ma force, j'allume la flamme, partout où je vais. J'suis pas le plus con, ma putain de place, on parle plus blâme. J'dois faire des hits, encore des hits, j'dois en bien bercé. A toute ma team, ça risque au kiff et j'vous remercie. J'ai dû donner, sentir l'odeur de la guerre. J'ai dû voler, j'rentrais sans demander permission. J'crois que c'est fini, plus peine de cœur, achat rapide, au revoir, merci. J'suis titulaire, indiscutable dans la sélection. Dans quoi j'm'embarque, ouais. J'aurais jamais cru un jour finir en backstage. Derrière c'est tellement mort, tu sais pas, mec. Mais bon, tout le monde s'en fout et c'est comme ça, mec. C'est pas de ma faute, j'allume la flamme partout où je vais. J'suis pas le plus con, ma putain de place, on rend plus blindé. J'dois faire des hits, encore des hits, j'dois remplir Bercy. A toute ma team, ça dit j'vous kiffe et j'vous remercie. J'ai pris du bison, n'a pas remplacé mon cœur. C'est mon calibre qui m'a retiré les peurs. Et tu t'es là, ouais, toi si moi je meurs. C'est pas de ma faute, j'allume la flamme partout où je vais. On s'est pas vu depuis longtemps. Ma chérie, je veux que tu m'accompagnes. A tous les coups, tu sais qu'on gagne. Je suis un loup de la meute et je sais que tu le sais. L'ennemi est pas content. Mais tu sais très bien que je m'entends. Pour entre rapport en contact, moi je préfère laisser les balles parler. J'ai plus d'un tour dans mon sac. Prends tes affaires et bien on se casse. N'oublie pas mes fringues et mon club. C'est lui qui va me faire et pas encore. Mais j'ai jamais oublié mon squat. J'ai jamais oublié mon squat. J'ai jamais oublié les miens. Mais moi aussi j'ai une vie à tracer. Je dois rattraper le temps passé, trop vaillant pour me faire remplacer. On m'interpelle pour une case d'aide, je vois un bordel quand je suis sur scène. C'est pas de ma faute, j'allume la flamme partout où je vais. Je suis pas le plus con, ma putain de place, on m'en plus blanc.